sabes dónde estoy. Porque será ninguém sabe antes que a música acabe. Dancemos slow. Coisa obrigatória, nas festas de garagem dos anos 90 havia sempre o slow para dançar. Dancei alguns. Dançaste depois, tu tens ar de menina de dançar slow. Oh, bem agarradinha. Era giro. Ao teu par. É verdade. Bom, também é giro haver desporto, porque a pessoa assim mexe-se um bocadinho. Ao meio-dia e meia, isto está péssimo. Ao meio-dia e meia chega o Jornal de Desporto em simultâneo com a Antena 1 e nós corremos até lá com o André Sardé e o seu Azul do Céu. Encontrar. Ai, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Barratos de nuvem que pairam devagar, brincam no horizonte, indiferentes a qualquer sonhar. Cansar. Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Nous sommes déjà mardi et puis nous sommes déjà 13h30. Voici donc le retour pour l'émission Midi Dance comme tous les mardis. Donc un petit bonjour à tous et à vous toutes. Si vous prenez l'écoute, eh bien, je souhaite de passer tout simplement un bon début d'après-midi, tout simplement l'écoute d'Arc-en-Ciel tout en couleur. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec les chansons variées de toutes les générations. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, on va débuter l'émission avec Rose Laurence et puis juste après, Daniel Balawan. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. Quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur les brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. Elle passe et ne répond pas.

sais déjà. Les enfants du siècle sont tous un peu fous. Mais le cliquetis de la machine à sous couvrira cette voix qui dit à t'auras raison. Vilaine fille, mauvais garçon. Couvrira cette voix qui dit à t'auras raison. Vilaine fille, mauvais garçon. Écoute-moi bien, tu peux me croire. Souvent la vie c'est blanc, c'est noir. Faut pas croire à n'importe quoi. Tu perds ton temps, je sais pour toi. Crois-moi, le monde est bien trop grand pour courir partout tout le temps. Et ça court. Tu seras déçu de trop d'espoir. Mais moi je veux croire en quelque chose. Je veux voir la vie en bleu, en rose. J'ai pas peur de tomber souvent. Je me relève à peu près tout le temps. Et ça court. Laissez-moi faire, je vous laisse voir. Je préfère courir que de me taire. Mes folies à vos inventaires. Regardez toute la vie devant pour voir si le monde est trop grand. Et ça court. Voici donc les Bye Bye Blue. Tonight, hold tight. De Tahiti. d'Ovide, Bonville et Jean Gabin, mes musées, mes jardins, les donjons, les falaises historiques, c'est le Mont Saint-Michel, la tête dans le ciel. Un village accroché au flanc de ses rochers, c'est ma Normandie, c'est toute ma vie. Les pêcheurs de Fécamp, les joues de mauvais temps. Au flanc de ces rochers, c'est ma Normandie, c'est toute ma vie. Les donjons, les falaises, les yeux Sainte-Thérèse. Arc-en-ciel. Voici donc Yves Duteil, et puis suivi de Daniel Guichard. Il me plaît de penser que la statue d'ivoire des amants enlacés nous fait l'amour ce soir. Petit cadeau pour commencer l'année, leur sourire était beau comme un matin d'été. Nos objets nous regardent avec leurs souvenirs, et pour peu qu'on s'attarde à leur appartenir, tout ce qu'on a aimé revient autour de nous. On a le cœur serré, la gorge qui se noue. L'amour, c'est quand le temps se transforme en mémoire et nous fait le présent d'un passé plein d'espoir. Si tout ce que la vie nous offre nous prépare se noie dans un oubli précoce et dérisoire, il me plaît de penser que sans nous, le hasard n'aurait pu composer un monde aussi bizarre. Et que sans nos amours, le temps serait mortel, comme elle file des jours quand la mort nous appelle. Si tout ce que la vie nous offre ou nous prépare devait venir ainsi se graver quelque part. Ces amants enlacés dans leur amour d'ivoire qui nous ressemble assez pour cacher notre histoire. Il me plaît de penser que c'était nous ce soir, que c'était nous ce soir, que c'était nous ce soir. Arc-en-ciel. Je vous connais trop, mesdames. Lorsque vos yeux font du charme, je peux vous dessiner. Je vous connais trop, mesdames. Vos peines, vos joies, vos larmes, je veux pas y toucher. Vous êtes le repos du guerrier, mais c'est dur de jouer les hommes quand on vous entend délirer entre deux tartelettes aux pommes. Pourquoi voulez-vous qu'on vous croie quand vous parlez de dépression et que l'instant d'après ça va? Vous changez comme les saisons. Je vous connais trop, mesdames. Vos silences et vos vacarmes, je peux les raconter. Je vous connais trop, mesdames. Aux voleurs et aux gendarmes, je ne veux pas jouer. Quand on fait la gueule, vous vous sentez seul. Sitôt que l'on pose, vous prenez la pose. Quand on vous caresse, il faut qu'on vous laisse. Et dès qu'on vous laisse, vous êtes en détresse. Vous êtes des ordinateurs, mais c'est vous qui vous programmez. Quand on vous envoie quelques fleurs, on se casse souvent le nez. Nos mamans nous avaient pas dit que c'était vraiment difficile d'être vos amants, vos maris, quand c'est vous qui tirez les fils. Je vous connais trop, mesdames. Pourtant à la moindre alarme, j'accours et vous le savez. Je vous connais trop, mesdames. Et je vous l'avoue, mon drame, c'est de trop vous aimer. Voici donc Chris Rea et puis juste après un petit tour avec Félix Gray. Là.

t'endors sous mon piano. Quand je joue, oh, oh, oh, oh, mon libellule. Et toi, t'as les ailes fragiles. Moi, moi, j'ai la carlingue froissée. Chanté toute ma nuit. Voici donc Gérard Blanc et puis suivi de Mort Schumann. N'oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, tous vin doux. Je vole par vent debout. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des celle que j'aimais, ne la retrouverai jamais. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Allô, papa, Tango, Charlie. Allô, papa, Tango, Charlie. Répondez-nous, vous cherchons. Je me moque de tout. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Allô, papa, Tango Charlie. Allô, papa, Tango Charlie. Répondez-nous, vous cherchons. Allô, papa, Tango Charlie. Arc-en-ciel. Open my eyes. Look around. I stand up. I walk. Yes, I walk. Can't see the sky. But I feel. Well, I feel. Alone. I can't see a flower.

Arc-en-ciel. C'est aussi ça. De mon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, on est fan du vélo. Vive les six jours, le Tour de France et les cyclos. Oui, le VTT fait la santé, ça met du tonus dans les mollets. C'est la vie de bohème sur notre tandem. Le plus important, c'est le j'ai posé mon vélo au col de la Croix-Frise. Ils ont construit la légende du Tour, les forçats de la route. Nous, on fait du vélo. Y'a rien de tel quand on s'éclate à bicyclette. Je pédale, je pédale, je pédale, je pédale. Et je double un escargot. J'adore tous les animaux. C'est qui s'en souvient l'Amérique. Mon vélo électrique, vélo de chaque instant éternellement. C'est parti, mon kiki, vive la vie. Nous on veut rigoler, faire la fête et chanter des petites chansons faciles et populaires. Mettre son cœur et reprendre tout son cœur, les refrains qui rendent la vie plus légère. Car pour nous, le plus important, c'est d'avoir les pouces en avant pour chanter avec les copains. C'est air qui nous bat bien. Et oui, mais c'est le pas bel ami quand on regarde. Ciel de France, on dit mais c'est pas belle la vie. Nos trois couleurs font chaud au cœur. Allez, youpi, youpi, mais c'est pas belle la vie. Quand on y croit, tout est gagné d'avance. Avec un super normal, tout devient phénoménal. La vie est un grand carnaval. Maintenant, oh, ça c'est chouette, on peut changer de planète pour voir sur l'herbe en haut des verts tout bleus. S'il y a des petits hommes rouges qui tirent sur tout ce qui bouge, on claquera les doigts et s'occupe. Tant pis si on manque d'espace, on restera sur le plancher des vaches pour chanter avec les amis. Elle est pas belle la nuit. Et youpi, mais elle est pas belle la vie. Quand on regarde notre beau ciel de France, on dit mais elle est pas belle la vie. Nos trois couleurs font chaud au cœur. Allez, youpi, et youpi, mais elle est pas belle la vie. Quand on y croit, tout est gagné d'avance. Avec un super moral, devient phénoménal. La vie est un grand carnaval. Un tour de France, même à vélo, je n'ai jamais trouvé rien d'aussi beau. Un tour de France pour le bonheur, c'est pas la peine de se prendre pour un coureur. Des paysages qui sautent aux yeux, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Un tour de France qui nous séduit, on en prend plein les yeux pour toute la vie. La Bretagne est à nous, Elle nous fait les yeux doux, les Normands accueillants, de Cherbourg jusqu'à Rouen. Il y a l'Alsace aussi, le Nord, la Picardie, le soleil de province, la Savoie, c'est immense. Un tour de France, même à vélo, je n'ai jamais trouvé rien d'aussi beau. Un tour de France pour le bonheur, c'est pas la peine de se prendre pour un coureur. Le paysage qui saute aux yeux, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Un tour de France qui nous séduit, on en prend plein les yeux pour toute la vie. Les Pyrénées nous éteignent, on arrive à Bayonne, une halte à Bordeaux, même si on préfère l'eau. Vous avez l'Atlantique, c'est plat, c'est magnifique, il y a le Massif Central. Voici encore un autre morceau d'accordéon et puis juste après ça, Carlos. ciel. Au petit déjeuner, de Gargantua, ne lui apportez pas, non surtout pas, un petit café crème avec quelques croissants. Ce qu'il lui faut, c'est quelque chose de plus consistant. Une vache. Un mouton. Un cheval. Trois cochons. 50 kilos de fromage. 10 milliers de cornichons. Et si ça ne lui suffit pas, il redemandera. 10 poulets. 15 dindons. 20 canards. 100 pigeons. 300 tartes à la crème. Voilà ce qu'il faudra pour le petit déjeuner de Gargantua. Vient le déjeuner de Gargantua. Ne lui préparez pas, non surtout pas, un petit steak salade, une part de roquefort. Ce qu'il lui faut, c'est quelque chose qui lui tienne au corps. Une vache. Un mouton. Un cheval. Trois cochons. 50 kilos de fromage. 10 milliers de cornichons. Et si ça ne lui suffit pas, il redemandera. 15 canons, 20 canards, 100 pigeons, 500 tonnes de vin rouge. Voilà ce qu'il faudra pour faire le déjeuner de Gargantua. De Gargantua, ne lui proposez pas, non surtout pas, un petit bol de soupe, un petit morceau de pain. Ce qu'il lui faut, c'est quelque chose qui le cale bien. Une vache. Un mouton. Un cheval. Trois cochons. 50 kilos de fromage. 10 milliers de cornichons. Et si ça ne lui suffit pas, il redemandera. 15 canons, 20 canards, 100 pigeons. Tous les jours de la semaine, ça recommencera. C'est comme ça que sont les repas de Gargantua. Une vache, un mouton, un cheval, 3 cochons, 50 kilos de fromage, 10 milliers de cornichons. Et si ça ne lui suffit pas, il redemandera. 20 canards, 100 pigeons, tous les jours de la semaine, ça recommencera. C'est comme ça que sont les repas de Gargantua. Voici donc que ça s'appelle La Petite Lily, puis juste après Sacha Distel. Depuis que j'ai une mini jupe, faudrait voir les... magie. Tes yeux manquent à la lumière du monde où je suis. Alors reviens le désir de sauter dans le premier avion pour fuir mes contrats qui soulagent. Tu l'emportes toujours d'un regard, d'un sourire, d'un frisson. Chaque fois je m'en veux de te laisser pour les valises où je ne mets plus mon cœur. Je vis avec la solitude quand je suis ailleurs. Jump, I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, moving fine. Come on, party people, shake your body line. Dance, soca dance, soca dance. Blow up, boy. Come on, everybody. Let's have a good time. You over there. Ramazzotti, et puis juste après lui, ça sera quelques chansons portugaises. A far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone piacere agli altri. Si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così. Fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già. Quelli che sono allo stato, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, e sono sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamare ciel.

pour ton inconnu la misère. Tu me mets dans un groupe où je n'ai pas pied. Et je me retrouve perdu comme un sans-papier. J'ai laissé mon cœur, tu l'as vandalisé. De mes fautes, tu t'es sur me verbaliser. Et ma Bella, j'ai tout avoué, ce serait peut-être en oublié. Et ma Bella, ouvre la porte, ne me laisse plus sur le palier. Pour la côté, mais j'ai fauté. Elle ne voyait qu'ensemble le dernier des mythos. N'écoute pas tous ces michetons ailleurs. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Voici donc le groupe Tol Tol qui puis juste après Jimmy Somerville. parti à vélo dans les rues de Montréal. J'avais tout prévu comme il faut pour une balade sentimentale. J'ai rapidement constaté que l'état des routes à Montréal gênait nos regards passionnés et nos prises de mains amicales. Je vibre et je ne vois plus la route. Je t'ignore pour sauver ma peau. Ce qui a semé en moi le doute sur le succès de cette romance à vélo. Ça m'a tout l'air d'être un cauchemar ou d'une balade sur un taureau. Dans les deux cas, c'est un hasard si tu m'adresses encore un mot. Pendant notre tendre traversée, j'ai eu le malheur de te lancer un regard. Un nid de poule stratégiquement placé m'a quasiment déboîté la mâchoire. Bien sûr, j'ai eu l'air un peu bête, t'as dû me trouver un peu moins sexy. Mais en riant de façon distraite, tu t'en es pris un aussi. Mon vélo fait un bruit bizarre, comme si le diable venait de s'en emparer. Je me dis, je vérifierai plus tard. Plus tard ma roue s'est décrochée. J'aurais dû t'emmener dans un bar, ou plutôt faire du pédalo. Là je compte un peu sur le hasard, pour finir en un seul morceau. Là je compte un peu sur le hasard, pour finir en un seul morceau. Je ne suis pas bon en mécanique, on a dû continuer à pied. La balade est devenue romantique, ça nous a tous deux étonnés. En nous promenant sur les trottoirs, tout est devenu si beau. On a pu se lancer des regards sans se fracturer le bas du dos. On a traîné sans égard ce qu'il restait de nos vélos. Le hasard a quand même bien fait son boulot. À chanter. Les ours en peluche et les fans peluches, pour toi je les gagnerai. Salut, je devine que les carabines te font peur, je suis désolé. C'est la vie en couleur, voilà le marchand de ballons. C'est les cris et les pleurs, les manèges à ton unisson. C'est la vie en couleur, il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous d'aller faire un tour, on peut trouver. J'essaierai de t'embrasser. Quand le train fantôme n'est pas peur des gnomes, je suis là pour te protéger. Les marchands de nougat et de papa papa seront des plus consolés. Nous reviendrons dormir loin du bruit et des rires, mais tu ne voudras pas rentrer. C'est la vie en couleur, tiens voilà le marchand de ballons. C'est les cris et les fleurs, les manèges dans la nuit sont. C'est la vie en couleur. Sortir et en profiter, dépêchez-vous d'aller faire tout. On peut trouver le grand amour sur le grand vide de la grande roue. Le monde tourne autour de nous. Voici donc Cap de Miel. J'ai quelques mirages. Et puis juste après, Divine. T'as fait les neiges, je me suis tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de servitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Qui viennent me parler des joies de la vie d'artiste. D'autre côté, voilà qu'un toujours aussi lunatique. Son œil est rempli de sable et sa bouche pète le vernis. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Sur une aile de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle, mais tout le monde s'en fout. En redit, on vend nulle part. Y'a Robin, son solitaire, qui m'a dit je trouve plus mon île. Vous auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. J'ai répondu bientôt 30. J'ai compris qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner ma vie. Voici donc Marcel Lamont. Sur la Gonère, depuis le jour où je suis né, chaque fois que passe une année, on dit c'est la dernière. Moi je sais que ça n'est pas vrai. J'ai appris que sur la Galère, nul n'avait jamais vu un port. Aucun des officiers de bord, capitaine ou corsaire, n'a pu me dire où est le nord. Je sais aussi que la galère a trois sortes de passagers. Il y a ceux qui croient la posséder, leur garde militaire, et ceux qui la font avancer, font avancer. On veut que vogue la galère, sans se préoccuper du vent. Un tambour s'est placé devant, un fouet s'est mis derrière, le reste rame en se taisant. J'ai pas voulu sur la galère souhaiter ni ramer à mon tour. Chante des chansons d'amour, j'ai connu la misère, et je m'accompagne au tambour. Certains voulaient sur la galère supprimer le tambour major, que les rameurs soient les plus forts, ça n'est pas des manières. On les a mis par-dessus bord, par-dessus bord. Un jour va sauter la galère, ou s'écraser sur un récif. Nous y assisterons passifs en pleurant la prière de ceux qui sont restés captifs. En attendant sur la galère, je chanterai peut-être encore et j'atteindrai enfin la mort. La fin de la croisière, sans même savoir où est le nord, où est le nord. Et puis nous voici Marie-Paul Bell. Il est insouciant, ce n'est qu'un enfant. S'élance en courant, referme la main, la mouche est dedans. Il joue, il rit, la mouche est à lui, et il lui arrache les ailes, il est si petit. Toi qui lis les journaux, qui a des idées, sais-tu regarder ces choses qui sont si naturelles, qu'on oublie souvent qu'elles sont cruelles. Grand camion noir, les chevaux finis ont déjà compris. C'est vers les abattoirs que l'homme insouciant les mène ce soir. C'est son métier, il n'est pas méchant, mais il frappe, il crie en les poussant dans la nuit. Toi qui veux la justice et qu'elle se bâtisse dans tous les pays, c'est chaud. Vois-tu seulement combien c'est pareil. Le chômeur humilié et qu'on ne plaint pas tant qu'il peut manger. Le prisonnier perdu par des mots savants, il ne comprend plus qu'on a pitié. On en parle un peu et ça nous rassure. On veut croire que ça va mieux. D'enfants battus, on l'a entendu, mais on n'a rien dit. Ce vieux dans un couloir, sur de vieux journaux, qui a peur du noir, ils sont si près qu'on ne les voit pas. Et puis on s'en va pour pleurer au cinéma. C'est une même guerre, une même misère.

vie découvert. Oui, je ferai des envieux dans ce petit coin de verre. Sûrement un des plus beaux lieux de l'univers. C'est une maison bleue, adossée à la colline. Voici donc Maxime, voilà, Maxime Le Forestier, puis suivi de Nicolas Perrac. On se retrouve ensemble après les années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. File à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco. De vous, Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplés de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplés de lumière et peuplés de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. Prends soin de l'opéra. cette fois. Zagreb, vie à venir. Je souffle la bougie, je me dessine une folie, les doigts croisés sur l'infini. Je dis salut, et peut-être qu'un jour je serai de retour. Qui peut me dire comment l'exil vient aux errants. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so well and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their dog. Just holograms. Look, your love has drawn me from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. You peg out till you've seen the light. Peg out till you've seen the light. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, and know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. I'm living my life. What would you?

regarde que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi, ma préférence à moi, ma préférence à moi. Voilà que la moitié de ma vie est déjà du passé. Moi qui croyais que le temps finirait un jour par m'oublier. Et que la jeunesse aurait pris place à mes côtés pour bien longtemps. Ce n'est pas possible car la jeunesse ne connaît pas les cheveux blancs. Comme toi, j'ai déjà été jeune, je ne connaissais pas la valeur de chaque instant vécu qui ne revient pas. L'inconscience des moments perdus aura toujours son souvenir. Bien que la jeunesse un jour auprès de moi s'ennuiera à mourir. Je me réchaufferai le cœur, effacer presque toujours mes ennuis. Et moi à cette époque étions ensemble comme deux. Soin de moi comme un bel oiseau qui s'éveille à la vie. Oh, oh, oh. Lorsque l'oiseau s'est enfui du nid, elle disparut aussi. Je sais que la jeunesse m'a appris ce qui suit. Qu'elle doit céder sa place un beau jour à l'automne de la vie. Comme les quatre saisons devant nos yeux s'alternent au gré du temps. Comprends alors que la jeunesse ne connaît pas les cheveux blancs. Je me réchauffais le cœur, effacer presque toujours mes ennuis. Et moi, à cette époque, étions ensemble comme de vrais bons amis. moi comme un bel oiseau qui s'éveille à la nuit. Lorsque l'oiseau s'est enfui, j'ai dit, elle disparut aussi. On a quatre saisons devant nos yeux, ça tourne au gré du temps. Je comprends alors que la jeunesse ne connaît pas les cheveux blancs. Let's go, girls. Je vous laisse avec Jackie Quarks et puis juste après elle, on écoutera tout simplement le groupe Gold.

Machine, et puis juste après Lily Harmony. ciel. There's a party going on right here, a celebration. 4 minutes, voilà donc cette chanson de LRG qu'on va se quitter. Oui, l'heure arrive tout simplement bientôt 17h, et bien donc fin de l'émission, mais on se retrouvera donc bien bientôt. Voilà, donc aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement très bon après-midi, tout simplement avec beaucoup de chansons, j'espère que vous a plu. Donc voilà, on va se retrouver donc eh bien mardi prochain et puis ainsi vendredi tout simplement toujours à la même heure à partir de 13h30. Voilà donc eh bien, je vous dis bonsoir à vous toutes, et eh bien si vous sortez couvrez bien tout simplement parce que le frais arrive tout doucement. Voilà donc eh bien, je vous dis bonsoir à tous à vous toutes. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Et où pourrez-vous faire de bonnes affaires? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un show de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Ouverture.